mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Nous allons maintenant faire le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. C'est un Américain, un garçon solide. Vous voulez dire qu'il va être gros ? Mais non, pas du tout. Il est solide, robuste, costaud, mais il n'est pas gros du tout. Il n'a pas de ventre. En fait, Robert est plutôt mince. Il mesure 1m70, 1m71, et il pèse exactement 70 kilos. Il est plus grand que Mireille. Mireille fait 1m63, 1m64 peut-être, pas plus. Avec ses 1m70, Robert est plus grand qu'elle, ou, si vous préférez, elle est moins grande que lui, elle est plus petite que lui. Nous allons faire le portrait du jeune homme. Le portrait du jeune homme. Nous allons faire le portrait du jeune homme. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. C'est un garçon solide. C'est un garçon solide. Est-ce que c'est un garçon fragile? Non, c'est un garçon solide. Il va être gros? Il va être gros? Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Il est solide? Robuste, robuste, costaud, costaud, mais il n'est pas gros, il n'est pas gros. Il n'est pas gros du tout. Il n'a pas de ventre. Il n'a pas de ventre. En fait, il est plutôt mince. En fait, il est plutôt mince. Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il a du ventre? Non, il n'est pas gros du tout. Il n'a pas de ventre. Il mesure 1m70. 1m70. Il mesure 1m70. Un mètre soixante-dix, un mètre soixante et onze. 1m71. Combien mesure-t-il? Un mètre soixante-dix. Et il pèse exactement 70 kilos. 70 kilos. Combien pèse-t-il? 70 kilos. Il est plus grand que Mireille. Il est plus grand que Mireille. Avec ses 1m110, Robert est plus grand qu'elle. Ou, si vous préférez, elle est moins grande que lui. Si vous préférez, elle est moins grande que lui. Elle est plus petite que lui. Plus petite, plus petite. Plus petite que lui. Plus petite que lui. Est-ce que Mireille est plus grande que lui? Non, elle est plus petite que lui. Il est très sportif. Il fait du ski nautique, du surfing, du polo, du football, américain, bien sûr, du basket, du volley, du hand, du hockey, du patin à roulettes. C'est tout? Oui, il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Ou pour faire la sieste. Il est très sportif. Il est très sportif. Il fait du ski nautique. Il fait du ski nautique. Il fait du surfing. Il fait du polo. Il fait du football américain, bien sûr. Il fait du football américain, bien sûr. Du basket, du volley, du hand, du hockey, du patin à roulettes. Il fait du patin à roulettes. Il fait du patin à roulettes. Quel sport Robert fait-il? Il fait du ski nautique, du surfing, du polo, du football américain, du basket, du volley, du hand, du hockey, du patin à roulettes. C'est tout. C'est tout. Oui, il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Ou pour faire la sieste. Ou pour faire la sieste.